Mémoire d'outre-tombe par François-René de Chateaubriand. Lue par Christiane Jehanne. Deuxième partie. Livre deuxième. Note. Ce livre, commencé à Paris en 1837, a été continué et terminé à Paris en 1838. Il a été revu en février 1845 et en décembre 1846. Fin de note. Année de ma vie 1802 et 1803. Château, Madame de Custine, Monsieur de Saint-Martin, Madame d'Outetot et Saint-Lambert. Voyage dans le Midi de la France, 1802. Année de ma vie, 1802 et 1803, Monsieur de la Harpe, sa mort. Année de ma vie, 1802 et 1803, entrevue avec Bonaparte. Année de ma vie, 1803, je suis nommé premier secrétaire d'ambassade à Rome. Année de ma vie, 1803, voyage de Paris aux Alpes de Savoie, du Mont-Cenis à Rome. Milan et Rome, palais du cardinal Fesch. Mes occupations, année de ma vie, 1803, manuscrit de Madame de Beaumont, lettre de Madame de Caux, arrivée de Madame de Beaumont à Rome, lettre de ma sœur, lettre de Madame de Krudener, mort de Madame de Beaumont, funérailles. Année de ma vie, 1803. Lettre de M. Chênedollé, de M. de Fontane, de M. Necker et de Mme de Staël. Année de ma vie, 1803 et 1804. Première idée de mes mémoires. Je suis nommé ministre de France dans le Valais. Départ de Rome. Année de ma vie, 1804. République du Valais. Visite au château des Tuileries. Hôtel de Montmorin. J'entends crier la mort du duc d'Enghien. Je donne ma démission. Ma vie se trouva toute dérangée aussitôt qu'elle cessa d'être à moi. J'avais une foule de connaissances en dehors de ma société habituelle. J'étais appelé dans les châteaux que l'on rétablissait. On se rendait comme on pouvait dans ces manoirs demi-démeublés, demi-meublés, où un vieux fauteuil succédait à un fauteuil neuf. Cependant, quelques-uns de ces manoirs étaient restés intacts, tel que le Marais, échu à Madame de la Briche, excellente femme dont le bonheur n'a jamais pu se débarrasser. Je me souviens que mon immortalité allait rue Saint-Dominique d'Enfer prendre une place pour le Marais dans une méchante voiture de louage où je rencontrais Madame de Vintimille et Madame de Fézinsac. À Champlâtreux, M. Mollet faisait refaire de petites chambres au second étage. Son père, tué révolutionnairement, était remplacé dans un grand salon délabré par un tableau dans lequel Mathieu Mollet était représenté arrêtant une émeute avec son bonnet carré. Tableau qui faisait sentir la différence des temps. Une superbe patte d'oie de tilleul avait été coupée, mais une des trois avenues existait encore dans la magnificence de son vieux ombrage. On l'a mêlée depuis à de nouvelles plantations. Nous en sommes au peuplier. Au retour de l'émigration, il n'y avait si pauvre banni qui ne dessina les tortillons d'un jardin anglais dans les 10 pieds de terre ou de cour qu'il avait retrouvés. Moi-même, n'ai-je pas planté jadis la vallée aux loups? N'y ai-je pas commencé ces mémoires? Ne les ai-je pas continuées dans le parc de Montboissier, dont on essayait alors de raviver l'aspect défiguré par l'abandon? Ne les ai-je pas prolongées dans le parc de Maintenon, rétabli tout à l'heure? Proie nouvelle pour la démocratie qui revient. Les châteaux brûlés en 1789 auraient dû avertir le reste des châteaux de demeurer cachés dans leurs décombres. Mais les clochers des villages engloutis qui percent les laves du Vésuve n'empêchent pas de replanter sur la surface de ces mêmes laves d'autres églises et d'autres hameaux. Parmi les abeilles qui composaient leurs ruches était la marquise de Custine, héritière des longs cheveux de Marguerite de Provence, femme de Saint-Louis, dont elle avait du sang. J'assistai à sa prise de possession de Fervaques et j'eus l'honneur de coucher dans le lit du Béarnais, de même que dans le lit de la reine Christine à Combourg. Ce n'était pas une petite affaire que ce voyage. Il fallait embarquer dans la voiture Astolphe de Custine, enfant, M. Berstocher, le gouverneur, une vieille bonne Alsacienne ne parlant qu'allemand, Jenny, la femme de chambre, et Trim, chien fameux, qui mangeait les provisions de la route. N'aurait-on pas pu croire que cette colonie se rendait à Fervaques pour jamais? et cependant le château n'était pas achevé de meubler que le signal du délogement fut donné. J'avais vu celle qui affronta l'échafaud d'un si grand courage. Je l'ai vue plus blanche qu'une parque, vêtue de noir, la taille amincie par la mort, la tête ornée de sa seule chevelure de soie. Je l'ai vue me sourire de ses lèvres pâles et de ses belles dents, lorsqu'elle quittait Sécheron, près Genève, pour expirer à Bex, à l'entrée du Valais. J'ai entendu son cercueil passer la nuit dans les rues solitaires de Lausanne, pour aller prendre sa place éternelle à Fervaques. Elle se hâtait de se cacher dans une terre qu'elle n'avait possédée qu'un moment, comme sa vie. J'avais lu sur le coin d'une cheminée du château ces méchantes rimes attribuées à l'amant de Gabriel. La dame de Fervaques mérite de vives attaques. Le soldat roi en avait dit autant à bien d'autres. Déclaration passagère des hommes, vite effacée et descendue de beautés en beautés jusqu'à Madame de Custine. Fervaques a été vendue. Je rencontrai encore la duchesse de Châtillon, laquelle, pendant mon absence des 100 jours, décora ma vallée d'Aulnay. Madame Lindsay, que je n'avais cessé de voir, me fit connaître Julie Talma. Madame de Clermont-Tonnerre m'attira chez elle. Nous avions une grand-mère commune et elle voulait bien m'appeler son cousin. Veuve du comte de Clermont-Tonnerre, elle se remaria depuis au marquis de Talaru. Elle avait, en prison, converti M. de la Harpe. Ce fut par elle que je connus le peintre Neveu, enrôlé au nombre de ses cavaliers servants. Neveu me mit un moment en rapport avec Saint-Martin. M. de Saint-Martin avait cru trouver dans Atala certain argot dont je ne me doutais pas et qui lui prouvait une affinité de doctrines avec moi. Neveu, afin de lier deux frères, nous donna à dîner dans une chambre haute qu'il habitait dans les communs du palais Bourbon. J'arrivai au rendez-vous à 6 heures. Le philosophe du ciel était à son poste. À 7 heures, un valet discret posa un potage sur la table, se retira et ferma la porte. Nous nous assîmes et nous commençâmes à manger en silence. M. de Saint-Martin, qui d'ailleurs avait de très belles façons, ne prononçait que de courtes paroles d'oracle. Neveu répondait par des exclamations, avec des attitudes et des grimaces de peintre. Je ne disais mot. Au bout d'une demi-heure, le nécromant rentra, enleva la soupe et mit un autre plat sur la table. Les mets se succédèrent ainsi un à un à de longues distances. M. de Saint-Martin, s'échauffant peu à peu, se mit à parler en façon d'archange. Plus il parlait, plus son langage devenait ténébreux. Neveu m'avait insinué, en me serrant la main, que nous verrions des choses extraordinaires, que nous entendrions des bruits. Depuis 6 mortelles heures, j'écoutais et je ne découvrais rien. À minuit, l'homme des visions se lève tout à coup. Je crus que l'esprit des ténèbres ou l'esprit divin descendait, que les sonnettes allaient faire retentir les mystérieux corridors. Mais M. de Saint-Martin déclara qu'il était épuisé et que nous reprendrions la conversation une autre fois. Il mit son chapeau et s'en alla. Malheureusement pour lui, il fut arrêté à la porte et forcé de rentrer par une visite inattendue. Néanmoins, il ne tarda pas à disparaître, je ne l'ai jamais revu. Il courut mourir dans le jardin de M. Lenoir Laroche, mon voisin d'Aulnay. Je suis un sujet rebelle pour le swedenborgisme. L'abbé Faria, à un dîner chez Madame de Custine, se vanta de tuer un serin en le magnétisant. Le serin fut le plus fort, et l'abbé hors de lui fut obligé de quitter la partie de peur d'être tué par le serin. Chrétien, ma seule présence avait rendu le trépied impuissant. Une autre fois, le célèbre Gall, toujours chez Madame de Custine, dîna près de moi sans me connaître, se trompa sur mon angle facial, me prit pour une grenouille, et voulut, quand il sut qui j'étais, raccommoder sa science d'une manière dont j'étais honteux pour lui. La forme de la tête peut aider à distinguer le sexe dans les individus, à indiquer ce qui appartient à la bête, aux passions animales. Quant aux facultés intellectuelles, la phrénologie en ignorera toujours. Si l'on pouvait rassembler les crânes divers des grands hommes morts depuis le commencement du monde et qu'on les mît sous les yeux des phrénologistes, sans leur dire à qui ils ont appartenu, ils n'enverraient pas un cerveau à son adresse. L'examen des bosses produirait les méprises les plus comiques. Il me prend un remords. J'ai parlé de M. de Saint-Martin avec un peu de moquerie. Je m'en repens. Cette moquerie que je repousse continuellement et qui me revient sans cesse me met en souffrance, car je hais l'esprit satirique comme étant l'esprit le plus petit, le plus commun et le plus facile de tous. Bien entendu, je ne fais pas ici le procès à la haute comédie. M. de Saint-Martin était, en dernier résultat, un homme d'un grand mérite, d'un caractère noble et indépendant. Quand ses idées étaient explicables, elles étaient élevées et d'une nature supérieure. Ne devrais-je pas le sacrifice des deux pages précédentes à la généreuse et beaucoup trop flatteuse déclaration de l'auteur du portrait de M. de Saint-Martin fait par lui-même ? Je ne balancerai pas à les effacer si ce que je dis pouvait nuire le moins du monde à la renommée grave de M. de Saint-Martin et à l'estime qui s'attachera toujours à sa mémoire. Je vois du reste avec plaisir que mes souvenirs ne m'avaient pas trompé. M. de Saint-Martin n'a pas pu être tout à fait frappé de la même manière que moi dans le dîner dont je parle. Mais on voit que je n'avais pas inventé la scène et que le récit de M. de Saint-Martin ressemble au mien par le fond. Le 27 janvier 1803, dit-il, j'ai eu une entrevue avec M. de Chateaubriand dans un dîner arrangé pour cela chez M. Neveu à l'école polytechnique. J'aurais beaucoup gagné à le connaître plus tôt. C'est le seul homme de lettres honnête avec qui je me sois trouvé en présence depuis que j'existe. Et encore n'ai-je joui de sa conversation que pendant le repas. Car aussitôt après parut une visite qui le rendit muet pour le reste de la séance, et je ne sais quand l'occasion pourra renaître, parce que le roi de ce monde a grand soin de mettre des bâtons dans les roues de ma carriole. Au reste, de qui ai-je besoin, excepté de Dieu ? Monsieur de Saint-Martin vaut mille fois mieux que moi. La dignité de sa dernière phrase écrase du poids d'une nature sérieuse ma raillerie inoffensive. J'avais aperçu Monsieur de Saint-Lambert et Madame de Houdetot au Marais, représentant l'un et l'autre les opinions et les libertés d'autrefois, soigneusement empaillées et conservées. C'était le XVIIIe siècle, expiré et marié à sa manière. Il suffit de tenir bon dans la vie pour que les illégitimités deviennent des légitimités. On se sent une estime infinie pour l'immoralité parce qu'elle n'a pas cessé d'être et que le temps l'a décorée de rides. À la vérité, deux vertueux époux qui ne sont pas époux et qui restent unis par respect humain souffrent un peu de leur vénérable état. Ils s'ennuient et se détestent cordialement dans toute la mauvaise humeur de l'âge. C'est la justice de Dieu. Malheur à qui le ciel accorde de longs jours. Il devenait difficile de comprendre quelques pages des confessions quand on avait vu l'objet des transports de Rousseau. Madame de Houdetot avait-elle conservé les lettres que Jean-Jacques lui écrivait et qu'il dit avoir été plus brûlantes que celles de la nouvelle Héloïse ? On croit qu'elle en avait fait le sacrifice à Saint-Lambert. À près de 80 ans, Madame de Houdetot s'écriait encore dans des vers agréables « Et l'amour me console, rien ne pourra me consoler de lui. » Elle ne se couchait point qu'elle n'eût frappé 3 fois à terre avec sa pantoufle, en disant à feu l'auteur des saisons « Bonsoir, mon ami. » C'était là à quoi se réduisait, en 1803, la philosophie du XVIIIe siècle. La société de Madame de Houdetot, de Diderot, de Saint-Lambert, de Rousseau, de Grimm, de Madame d'Épinay, m'a rendu la vallée de Montmorency insupportable. Et quoique, sous le rapport des faits, je sois bien aise qu'une relique des temps voltairiens soit tombée sous mes yeux, je ne regrette point ces temps. J'ai revu dernièrement à Sannois la maison qu'habitait Madame de Houdetot. Ce n'est plus qu'une coque vide, réduite aux 4 murailles. Un âtre abandonné intéresse toujours, mais que disent des foyers où ne s'est assise ni la beauté, ni la mère de famille, ni la religion, et dont les cendres, si elles n'étaient dispersées, reporteraient seulement le souvenir vers des jours qui n'ont su que détruire. Une contrefaçon du génie du christianisme, à Avignon, m'appela au mois d'octobre 1802, dans le midi de la France. Je ne connaissais que ma pauvre Bretagne et les provinces du Nord traversées par moi en quittant mon pays. J'allais voir le soleil de Provence, ce ciel qui devait me donner un avant-goût de l'Italie et de la Grèce, vers lesquels mon instinct et la muse me poussaient. J'étais dans une disposition heureuse, ma réputation me rendait la vie légère. Il y a beaucoup de songes dans le premier enivrement de la renommée, et les yeux se remplissent d'abord avec délices de la lumière qui se lève. Mais que cette lumière s'éteigne, elle vous laisse dans l'obscurité. Si elle dure, l'habitude de la voir vous y rend bientôt insensible. Lyon me fit un extrême plaisir. Je retrouvais ces ouvrages des Romains que je n'avais point aperçus depuis le jour où je lisais dans l'amphithéâtre de Trèves quelques feuilles d'atala tirées de mon havresac. Sur la Saône passaient d'une rive à l'autre des barques entoilées, portant la nuit une lumière. Des femmes les conduisaient. Une nautonnière de 18 ans qui me prit à son bord raccommodait à chaque coup d'aviron un bouquet de fleurs mal attaché à son chapeau. Je fus réveillé le matin par le son des cloches. Les couvents suspendus aux coteaux semblaient avoir recouvré leur solitaire. Le fils de M. Ballanche, propriétaire après M. Migneret du génie du christianisme, était devenu mon hôte. Il est devenu mon ami. Qui ne connaît aujourd'hui le philosophe chrétien dont les écrits brillent de cette clarté paisible sur laquelle on se plaît à attacher les regards comme le rayon d'un astre ami dans le ciel. Le 27 octobre, le bateau de poste qui me conduisait à Avignon fut obligé de s'arrêter à Tain à cause d'une tempête. Je me croyais en Amérique. Le Rhône me représentait mes grandes rivières sauvages. J'étais niché dans une petite auberge au bord des flots. Un conscrit se tenait debout, dans un coin du foyer. Il avait le sac sur le dos et allait rejoindre l'armée d'Italie. J'écrivais sur le soufflet de la cheminée, en face de l'hôtelière, assise en silence devant moi, et qui, par égard pour le voyageur, empêchait le chien et le chat de faire du bruit. Ce que j'écrivais était un article déjà presque fait en descendant le Rhône et relatif à la législation primitive de M. de Bonald. Je prévoyais ce qui est arrivé depuis. La littérature française, disais-je, va changer de face. Avec la Révolution vont naître d'autres pensées, d'autres vues des choses et des hommes. Il est aisé de prévoir que les écrivains se diviseront. Les uns s'efforceront de sortir des anciennes routes. Les autres tâcheront de suivre les antiques modèles, mais toutefois en les présentant sous un jour nouveau. Il est assez probable que les derniers finiront par l'emporter sur leurs adversaires parce qu'en s'appuyant sur les grandes traditions et sur les grands hommes, ils auront des guides plus sûrs et des documents plus profonds. Les lignes qui terminent ma critique voyageuse sont de l'histoire. Mon esprit marchait dès lors avec mon siècle. L'auteur de cet article, disais-je, ne se peut refuser à une image qui lui est fournie par la position dans laquelle il se trouve. Au moment même où il écrit ces derniers mots, il descend un des plus grands fleuves de France. Sur deux montagnes opposées s'élèvent deux tours en ruine. Au haut de ces tours sont attachées de petites cloches que les montagnards sonnent à notre passage. Ce fleuve, ces montagnes, ces sons, ces monuments gothiques amusent un moment les yeux des spectateurs, mais personne ne s'arrête pour aller où le clocher l'invite. Ainsi, les hommes qui prêchent aujourd'hui morale et religion donnent en vain le signal du haut de leurs ruines à ceux que le torrent du siècle entraîne. Le voyageur s'étonne de la grandeur des débris, de la douceur des bruits qui en sortent, de la majesté des souvenirs qui s'en élèvent, mais il n'interrompt point sa course, et au premier détour du fleuve, tout est oublié. Arrivé à Avignon la veille de la Toussaint, un enfant portant des livres m'en offrit. J'achetai du premier coup 3 éditions différentes et contrefaites d'un petit roman nommé Atala. En allant de libraire en libraire, je déterrai le contrefacteur à qui j'étais inconnu. Il me vendit les 4 volumes du génie du christianisme au prix raisonnable de 9 francs l'exemplaire et me fit un grand éloge de l'ouvrage et de l'auteur. Il habitait un bel hôtel entre cour et jardin. Je crus avoir trouvé la pie au nid. Au bout de 24 heures, je m'ennuyais de suivre la fortune et je m'arrangeais presque pour rien avec le voleur. Je vis Madame de Janson, petite femme sèche, blanche et résolue, qui, dans sa propriété, se battait avec le Rhône, échangeait des coups de fusil avec les riverains et se défendait contre les années. Avignon me rappela mon compatriote. Du Guesclin valait bien Bonaparte, puisqu'il arracha la France à la conquête. Arrivé auprès de la ville des papes, avec les aventuriers que sa gloire entraînait en Espagne, il dit au prévôt envoyé au-devant de lui par le pontife, « Frère, ne me scellez pas. D'où vient ce trésor ? La prince, le pape, en son trésor ?» Il lui répondit que non, et que le commun d'Avignon la voit payer chacun sa portion. « Lors, dit Bertrand, prévôt, je vous promets que nous n'en aurons denier en notre vie, et voulons que cet argent cueilli soit rendu à ceux qui l'ont payé. » Et dites bien au pape qu'il le leur fasse rendre, car si je savois que le contraire fût, il m'empoiserait. Et eusse or passé la mer, si retournois-je par de ça. A donc fut Bertrand payé de l'argent du pape, et ses gens de rechief absous, et la dite absolution primière de rechief confirmée. Les voyages transalpins commençaient autrefois par Avignon. c'était l'entrée de l'Italie. Les géographies disent « Le Rhône est au roi, mais la ville d'Avignon est arrosée par une branche de la rivière de la Sorgue, qui est au pape. » Le pape est-il bien sûr de conserver longtemps la propriété du Tibre ? On visitait à Avignon le couvent des Célestins. Le bon roi René, qui diminuait les impôts quand la tramontane soufflait, avait peint dans une des salles du couvent des Célestins un squelette. C'était celui d'une femme d'une grande beauté qu'il avait aimée. Dans l'église des Cordeliers se trouvait le sépulcre de Madonna Laura. François Ier commanda de l'ouvrir et salua les cendres immortalisées. Le vainqueur de Marignan laissa la nouvelle tombe qu'il fit élever cette épitaphe. En petit lieu compris, vous pouvez voir ce qui comprend beaucoup par renommée. Ô gentilhomme, estant tant estimé, qui te pourra louer qu'en se taisant? Car la parole est toujours réprimée quand le sujet surmonte le disant. On aura beau faire le père des lettres, l'ami de Benvenuto Cellini, de Léonard de Vinci, du Primatis, le roi à qui nous devons la Diane, sœur de l'Apollon du Belvédère, et la sainte famille de Raphaël, le chantre de l'or, l'admirateur de Pétrarque, a reçu des beaux-arts reconnaissants une vie qui ne périra point. J'allais à Vaucluse cueillir au bord de la fontaine des bruyères parfumées et la première olive que portait un jeune olivier. Chia fontana, in quel medesmo bosco sorgia d'un sasso, ed atque frecce e dolci spargia soavemente mormorando, al bel seggio riposto, ombroso e fosco, né pastori après savane, né bifolci, ma nymphe et mousse à quel ténor cantado. Cette claire fontaine, dans ce même bocage, sort d'un rocher. Elle répand, fraîches et douces, ses ondes qui suavement murmurent. À ce beau lit de repos, ni les pasteurs, ni les troupeaux ne s'empressent, mais la nymphe et la muse y vont chantant. Pétrarque a raconté comment il rencontra cette vallée. « Je manquerai, dit-il, d'un lieu caché, où je pusse me retirer comme dans un port. » Quand je trouvais une petite vallée fermée, Vaucluse, bien solitaire, où naît la source de la Sorgue, reine de toutes les sources. Je m'y établis, c'est là que j'ai composé mes poésies en langue vulgaire, vers où j'ai peint les chagrins de ma jeunesse. C'est aussi de Vaucluse qu'il entendait, comme on l'entendait encore lorsque j'y passais, le bruit des armes retentissant en Italie. Il s'écriait « Italia mia !» O diluvio raccolto dice diserti strani per inondar i nostri dolci campi, non è questo e tiren chio t'cai pria, no è questo i mio nido, ove ho dritto fui si dolcemente, no è questa la patria, in chio mi fido, madre benignia e pia, chi copre l'uno e l'altro mio parente. Mon Italie, ô déluge rassemblé des déserts étrangers pour inonder nos doux champs, n'est-ce pas là le sol que je touchais d'abord? N'est-ce pas là le nid où je fus si doucement nourri? N'est-ce pas là la patrie en qui je me confie, mère bénigne et pieuse, qui couvre l'un et l'autre de mes parents? Plus tard, l'amant de l'or invite Urbain V à se transporter à Rome. « Que répondrez-vous à Saint-Pierre ? » s'écrie-t-il éloquemment, « quand il vous dira « Que se passe-t-il à Rome ?» Dans quel état est mon temple, mon tombeau, mon peuple? Vous ne répondez rien, d'où venez-vous? Avez-vous habité les bords du Rhône? Vous y naquîtes, dites-vous, et moi, n'étais-je pas né en Galilée? Siècle fécond, jeune, sensible, dont l'admiration remuait les entrailles, siècle qui obéissait à la lyre d'un grand poète comme à la voix d'un législateur, c'est à Pétrarque que nous devons le retour du souverain pontife au Vatican. C'est sa voix qui a fait naître Raphaël et sortir de terre le dôme de Michel-Ange. De retour à Avignon, je cherchais le palais des papes et l'on me montra la glacière. La Révolution s'en est prise au lieu célèbre. Les souvenirs du passé sont obligés de pousser au travers et de reverdir sur des ossements. Hélas, les gémissements des victimes meurent vite après elles. Ils arrivent à peine à quelques échos qui les fait survivre un moment, quand déjà la voix dont ils s'exhalaient est éteinte. Mais tandis que le cri des douleurs expirait au bord du Rhône, on entendait dans le lointain les sons du luth de Pétrarque. Un canzone solitaire échappé de la tombe, continuait à charmer Vaucluse d'une immortelle mélancolie et de chagrin d'amour d'autrefois. Alain Chartier était venu de Bayeux se faire enterrer à Avignon, dans l'église de Saint-Antoine. Il avait écrit « La belle dame sans merci » et « Le baiser de Marguerite d'Écosse l'a fait vivre ». D'Avignon, je me rendis à Marseille. Que peut avoir à désirer une ville à qui Cicéron adresse ses paroles, dont le tour oratoire a été imité par Bossuet ? Je ne t'oublierai pas, Marseille, dont la vertu est à un degré si éminent que la plupart des nations te doivent céder, et que la Grèce même ne doit pas se comparer à toi. Proël Flacco. Tacite, dans la vie d'Agricola, loue aussi Marseille, comme mêlant l'urbanité grecque à l'économie des provinces latines. Fille de l'Hélénie, institutrice de la Gaule, célébrée par Cicéron, emportée par César, n'est-ce pas réunir assez de gloire ? Je me hâtais de monter à Notre-Dame de la Garde pour admirer la mer que bordent avec leurs ruines les côtes riantes de tous les pays fameux de l'Antiquité. La mer qui ne marche point est la source de la mythologie, comme l'océan qui se lève deux fois le jour et l'abîme auquel a dit Jéhovah « Tu n'iras pas plus loin ». Cette année même, 1838, j'ai remonté sur cette cime. J'ai revu cette mer qui m'est à présent si connue, et au bout de laquelle s'élevèrent la croix et la tombe victorieuse. Le mistral soufflait. Je suis entré dans le fort bâti par François Ier, où ne veillait plus un vétéran de l'armée d'Égypte, mais où se tenait un conscrit destiné pour Alger et perdu sous des voûtes obscures. Le silence régnait dans la chapelle restaurée, tandis que le vent mugissait au dehors. Le cantique des matelots de la Bretagne, à Notre-Dame de Bon Secours, me revenait en pensée. Vous savez quand et comment je vous ai déjà cité cette complainte de mes premiers jours de l'océan. Je mets ma confiance, Vierge, en votre secours, etc. Que d'événements il avait fallu pour me ramener au pied de l'étoile des mers à laquelle j'avais été vouée dans mon enfance. Lorsque je contemplais ces ex-voto, ces peintures de naufrages suspendues autour de moi, je croyais lire l'histoire de mes jours. Virgile plaque sous les portiques de Carthage le héros troyen, ému à la vue d'un tableau représentant l'incendie de Troie, et le génie du chantre d'Hamlet a profité de l'âme du chantre de Didon. Au bas de ce rocher, couvert autrefois d'une forêt chantée par Lucain, je n'ai point reconnu Marseille. Dans ces rues droites, longues et larges, je ne pouvais plus m'égarer. Le port était encombré de vaisseaux. J'y aurais à peine trouvé, il y a 36 ans, une nave, conduite par un descendant de Pythéas, pour me transporter en Chypre, comme Joinville. Au rebours des hommes, le temps rajeunit les villes. J'aimais mieux ma vieille Marseille, avec ses souvenirs des Bérangers, du duc d'Anjou, du roi René, de Guise et d'Épernon, avec les monuments de Louis XIV et les vertus de Belzunce. Les rides me plaisaient sur son front. Peut-être qu'en regrettant les années qu'elle a perdues, je ne fais que pleurer celles que j'ai trouvées. Marseille m'a reçue gracieusement, il est vrai, mais l'émule d'Athènes est devenue trop jeune pour moi. Si les mémoires d'Alfieri eussent été publiées en 1802, je n'aurais pas quitté Marseille sans visiter le rocher des bains du poète. Cet homme rude est arrivé une fois au charme de la rêverie et de l'expression. Après le spectacle, dit-il, un de mes amusements à Marseille était de me baigner presque tous les soirs dans la mer. J'avais trouvé un petit endroit fort agréable, sur une langue de terre placée à droite hors du port, où, en m'asseyant sur le sable, le dos appuyé contre un rocher, qui empêchait qu'on ne pût me voir du côté de la terre, je n'avais plus devant moi que le ciel et la mer. Entre ces deux immensités qu'embellissaient les rayons d'un soleil couchant, je passais en rêvant des heures délicieuses, et là, je serais devenu poète si j'avais su écrire dans une langue quelconque. Je revins par le Languedoc et la Gascogne. À Nîmes, les arènes et la maison carrée n'étaient pas encore dégagées. Cette année 1838, je les ai vues dans leur exhumation. Je suis aussi allé chercher Jean Reboul. Je me défiais de ces ouvriers poètes qui ne sont ordinairement ni poètes ni ouvriers. Réparation à M. Reboul. Je l'ai trouvé dans sa boulangerie. Je me suis adressé à lui sans savoir à qui je parlais, ne le distinguant pas de ses compagnons de Cérès. Il a pris mon nom et m'a dit qu'il allait voir si la personne que je demandais était chez elle. Il est revenu bientôt après et s'est fait connaître. Il m'a mené dans son magasin. Nous avons circulé dans un labyrinthe de sacs de farine et nous sommes grimpés par une espèce d'échelle dans un petit réduit, comme dans la chambre haute d'un moulin à vent. Là, nous nous sommes assis et nous avons causé. J'étais heureux comme dans mon grenier à Londres et plus heureux que dans mon fauteuil de ministre à Paris. Monsieur Reboul a tiré d'une commode un manuscrit et m'a lu des vers énergiques d'un poème qu'il compose sur le dernier jour. Je l'ai félicité de sa religion et de son talent. Je me rappelais ces belles strophes à un exilé. Quelque chose de grand se couve dans le monde. Il faut, ô jeune roi, que ton âme y réponde. Oh, ce n'est pas pour rien que, calmant notre deuil, le ciel par un mourant fit révéler ta vie. Que quelque temps après, de ses enfants suivis, aux yeux de l'univers, la nation ravie t'éleva dans ses bras sur le bord d'un cercueil. Il fallut me séparer de mon hôte, non sans souhaiter au poète les jardins d'Horace. J'aurais mieux aimé qu'il rêvât au bord de la cascade de Tibure que de le voir recueillir le froment broyé par la roue au-dessus de cette cascade. Il est vrai que Sophocle était peut-être un forgeron à Athènes, et que Plaute, à Rome, annonçait Reboul, à Nîmes.